Je connais bien la côte anglaise, d'où l'on voit le pays breton. Je ne suis pas la pambolaise, je suis née à London. À London, London, à London, London, à London, London, pêcher la crevette. À London, London, à London, London, à London, London, pêcher le petit poisson. Quand je vais pêcher la crevette, je mets mon petit chapeau rond. Si mes amis voyaient ma tête, on rirait à London. Ta London, London, ta London, London, ta London, London, pêcher la crevette. Ta London, London, ta London, London, ta London, London, pêcher le petit poisson. Les grands brouillards de la Tamise ne sont pas bons pour les poumons. Et je plains ma sœur Héloïse de rester à London. Ralondon, London, ralondon, London, ralondon, London, pêcher la crevette. Ralondon, London, ralondon, London, ralondon, London, pêcher le petit poisson. Entre la France et l'Angleterre, quand ils auront fini leur pont, je pourrai pêcher sans m'en faire de Paris à London. Ça London, London, ça London, London, ça London, London, pêcher la crevette. Ça London, London, ça London, London, ça London, London, pêcher le petit poisson. Rum, tum, tum, tum.